Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour une série d'émissions qui prolonge la thématique que vous venez d'entendre dans Entendez-vous l'écho. Avec cette série, diffusée une première fois 10 ans après la crise financière de 2008, fin août donc 2018. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors on va parler de crash financier, de bourse, d'argent, de faillite et de gains colossaux jusqu'à jeudi dans cette émission. Demain, nous suivrons le banquier Saccard qui construit une fortune sur du sable dans son livre, dans le livre L'argent d'Émile Zola. Mercredi, nous verrons comment Dos Passos a parlé des puissants et des pauvres dans son roman La grosse galette. Et enfin jeudi, c'est des conséquences de la crise de 29 sur les paysans américains dont il sera question à travers le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère. Ce sera évidemment à chaque fois l'occasion d'évoquer plus largement l'auteur de ces livres et de remettre en perspective la notion de crise et l'univers de la bourse en littérature. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des entourloupes du baron Nucingen dans le livre La maison Nucingen de Balzac, nous sommes avec vous, Alexandre Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé le colloque intitulé Argent et logique monétaire dans la comédie humaine en juin 2012 à l'Université Paris 7. Un colloque dont vous avez ensuite édité les actes dans le volume La comédie inhumaine de l'argent. C'était en 2013 aux éditions du Bord de l'eau. Vous êtes un grand spécialiste du roman réaliste et vous étudiez en particulier l'inscription du discours économique dans ce roman réaliste. D'ailleurs, on peut peut-être noter tout de suite que c'est évidemment chez les écrivains réalistes qu'on va trouver le plus de romans prenant pour cadre la bourse ou traitant de l'économie en général. Ça paraît logique, mais en même temps, l'argent est présent partout dans la vie des gens et on pourrait s'attendre à ce qu'il soit très présent également en littérature. Alexandre Perrault, comment se fait-il que finalement ce soit chez les réalistes qu'il émerge réellement comme ça en tant que tel? C'est une bonne question et c'est une question compliquée. En fait, il faut reconsidérer l'histoire de la littérature à l'aune de l'histoire économique et voir comment, à partir du XVIIIe siècle, elle se rencontre à travers la figure de l'individu, qui est à la fois l'homo economicus, qui agit rationnellement en poursuivant son intérêt, et de l'autre côté, en littérature, la naissance du héros romanesque, qui est lui-même l'enfant des Lumières et qui est cet individu qui va poursuivre son but personnel. Et il y a une sorte de croisement que, historiquement, on voit chez Defoe avec Robinson Crusoe et qui va évidemment s'épanouir au XIXe siècle, qui est le grand siècle et du roman réaliste et évidemment de l'épanouissement de la logique libérale capitaliste. Donc il faut l'individu pour que la littérature s'en saisisse. Il faut sans doute l'individu pour que la littérature s'en saisisse, bien que depuis l'Antiquité, la littérature aime parler d'argent. Depuis l'Antiquité, depuis Plaute, depuis Sénèque, et puis bien sûr Shakespeare, avec Le Marchand de Venise, si on s'en tient à quelques grands exemples, mais c'est véritablement l'individu roi du XIXe siècle qui donne cette grande littérature de l'argent et le grand roman d'argent. Mais alors après la littérature à proprement parler réaliste, est-ce que les écrivains qui suivront, et notamment au XXe siècle, vont s'emparer eux aussi de la question de l'économie, de la question de la bourse ? Ah, ça, c'est aussi un phénomène troublant. Finalement, on pourrait dire, en forçant un petit peu le trait, que le dernier grand récit d'argent est les faux monnayeurs de Gide. Mais c'est pas tellement sur l'argent, les faux monnayeurs, si. C'est sur la monnaie et sur cette fausse monnaie, sur le signe argent. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de quelque chose en termes d'appropriation du signe argent par la littérature. On pourra y revenir, hein, parce que certes, le fait économique, les retombées sociales du fait économique intéressent la littérature, mais ce qui fascine véritablement le récit, c'est la monnaie, la finance et toutes les spéculations dont évidemment on va parler. Donc après les faux monnayeurs, il semblerait que l'argent sorte du roman. D'une part parce que l'argent était trop lié à cette image du vieux roman dont on va plus vouloir entendre parler, Le nouveau roman qui condamne le roman classique avec ses réalia, etc. Et l'argent part avec l'eau de ce bain-là. Et d'autre part, parce que peut-être le récit qui va prendre le relais est le récit cinématographique. Mmh. Et effectivement, alors que, hormis le roman policier, le roman de genre, l'argent sort du récit romanesque littéraire, on voit évidemment se développer un genre cinématographique autour de l'argent, jusqu'au Loup de Wall Street il y a quelques années. Enfin bon, là, la filmographie est extrêmement importante. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant, une parenthèse, qui, chose peut-être qu'on en reparlera, prend fin à la fin du XXe siècle, avant la grande crise de 2008 à laquelle vous consacrez votre semaine, où on voit réapparaître un certain nombre de romanciers contemporains qui se saisissent de l'argent, de la finance, de la monnaie et de la crise qu'elle procure. Comme Éric Renard, par exemple. Comme Éric Renard dans Cendrillon, dont, alors ça l'a un peu surpris quand on en a parlé, mais dont Cendrillon peut être considéré comme une réécriture de la maison de Singen, avec au milieu du récit, ou plutôt des récits, cette espèce de grande tartine de théorie financière qui ressemble beaucoup à ce que Bixiou nous propose au cœur de la maison de Singen. Mmh. Alors, l'argent, littérature, au 19e, revenons-y, de quoi est-il le signe, selon vous ? L'argent en littérature, il est signe du monde nouveau qui s'est ouvert avec la société née de la Révolution. On passe en quelques années d'un monde qui était un monde d'ancien régime, qui était régi par une monarchie absolue, par une monarchie de droit divin, par des référentiels religieux. Et avec la Révolution, tout cela ne s'écroule pas d'un coup un seul, mais tout de même une crise des valeurs, une crise morale que la chute de l'Empire va accentué, va donner lieu à cette espèce de fascination pour cette puissance nouvelle qu'est l'argent. Et Balzac le dit très explicitement dans La Maison de Singen. On a une citation qui ouvre presque le roman où on nous parle de l'omniscience, l'omnipotence de l'argent. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le quotidien des individus et des contemporains de Balzac, parce que l'argent à cette époque-là, l'argent frais, comme disent les protagonistes, manque. On a une crise des liquidités qui fait que les protagonistes, du roman, mais aussi de la vie réelle, sont obligés de recourir à de l'argent fictif, une monnaie bis qui est née de tout un trafic sur la monnaie de crédit, faute de billets de banque. Il y a eu aussi des traumatismes comme les assignats quelques années plus tôt. On peut peut-être rappeler en deux mots de quoi il s'agit. Le régime révolutionnaire, pour financer le nouvel État, avait donc émis des assignats. Et comme on le dit aujourd'hui, il a fait fonctionner la planche à billets de manière un peu trop volontariste, ce qui a déclenché une crise inflationniste. Les assignats se sont développés et beaucoup d'assignats ont été imprimés, et jusqu'au moment où la crise de confiance est survenue, chacun est revenu avec ses assignats pour être remboursé. Évidemment, il n'y avait pas la quantité de monnaie réelle en vis-à-vis, et les assignats se sont effondrés, provoquant des ruines évidemment personnelles, et provoquant, comme vous le soulignez, sur le plus long terme, et sur un très long terme, parce que ça va poursuivre le 19e jusque plus loin que là, le mi-temps du siècle, provoquant une méfiance pour la monnaie papier qui va amener les banques, effectivement, et la Banque de France singulièrement, à ne pas beaucoup imprimer de monnaie papier. Mmh. D'où cette pénurie de monnaie liquide et le fait que les gens, dans les romans de Balzac, on a ça au quotidien, utilisent des billets de crédit, des lettres de change comme monnaie de substitution. Alors on reviendra peut-être justement sur cette notion de crédit, parce que chez Balzac, le crédit est quasiment dans tous ses livres. On vient de comprendre le contexte historique, quel est le contexte personnel pour Balzac au moment où lui écrit La Maison de Nucingen, Alexandre Perrault? Au moment où il écrit La Maison de Nucingen, Balzac est toujours un auteur puissamment endetté. On peut évidemment le dire à peu près pour toute sa vie. Pour toute sa vie, puisqu'il entre dans la carrière littéraire au début, à la fin des années 1820, avec de puissantes dettes qu'il a accumulées comme imprimeur, avec des idées assez saugrenues pour les pour l'époque, cultiver des ananas à Passy, autre idée... Explorer des mines en Sardaigne. Alors ça, c'est une très bonne idée, parce que depuis, ça a été fait, Mussolini a voulu le faire et l'a fait, effectivement, des mines argentifères exploitées par les Romains, et avec cette idée de bon sens qui était de dire, bah, puisque nous avons des moyens techniques de forage plus performants, nous allons retrouver de l'argent. Évidemment, il y a perdu beaucoup d'argent, et puis Balzac avait un goût du luxe qui faisait qu'il s'endettait très volontairement. Donc, comme toute sa vie, effectivement, Balzac est poursuivi par les créanciers. Et puis, il entretient une autre forme de dette, Balzac, vis-à-vis de ses éditeurs. C'est-à-dire qu'il leur promet des textes. Qu'il a bien du mal à fournir, même si c'est un bourreau de travail. Et on peut dire que la dette chez Balzac, par-delà les accidents de la vie, la dette est un aiguillon qui le pousse à écrire et qui entretient chez lui une espèce d'énergie créatrice. Donc on peut remercier finalement l'amour de la dépense de Balzac. C'est Zola, un autre grand spécialiste de l'argent dont on parlera demain, qui disait « Balzac ne gagna pas une fortune mais paya ses dettes, ce qui est déjà bien beau ». Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Balzac, l'argent, la crise financière avec vous, Alexandre Perrault. On a tout de suite pensé à ouvrir la semaine avec Balzac. C'est presque un poncif, c'est presque devenu une habitude de parler de Balzac dès qu'une crise financière pointe à l'horizon. Oui. Alors là aussi, ça peut paraître paradoxal parce que entre le système financier des années 1830-1820 et aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus rien de commun. Il n'y a pas les ordinateurs, ça. Il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas la réglementation, bien entendu, parce que le monde que décrit Balzac, le monde économique et financier que décrit Balzac, est un monde quasi anomique. Il y a très peu de régulation bancaire, très peu de normes, il va falloir attendre la moitié du siècle, et quand vous parlerez de Zola demain avec Christophe Reffet, effectivement, on sera dans un univers réglementaire complètement différent. Chez Balzac, quasiment aucune règle, et un vide qui permet effectivement à des personnages comme Nucingen de prospérer dans les silences de la loi ou dans les trous de la toile d'araignée, pour reprendre la métaphore finale du récit. Malgré tout, même si ce système-là n'a rien à voir avec le système contemporain, Balzac reste un témoin irremplaçable de la crise parce qu'il parle du rapport à l'argent, parce qu'il parle de la fascination que les individus peuvent avoir à l'argent et d'un argent qui n'est pas simplement une réalia, encore une fois, mais quelque chose qui n'existe que dans les représentations. La manière dont Nucingen, Blues, les trompes, tous les gogos qui avaient déposé l'argent chez lui est quasi légale. En tout cas pour la dernière liquidation. C'est ce qu'on appelle la création, la créativité financière. Voilà, je cherchais le mot. Qu'on appelle aujourd'hui la créativité financière. De la créativité financière qui est d'autant plus puissante qu'elle repose sur les fantasmes que l'autre nourrit à l'égard de l'argent. Si on fait un raccourci extrêmement rapide, la troisième liquidation de Nucingen, on reviendra peut-être sur son parcours, c'est une illustration de la théorie des anticipations, la théorie moderne des anticipations économiques. C'est-à-dire qu'il ne spécule pas sur des valeurs réelles, il spécule sur les anticipations que les individus vont faire et donc sur des comportements. Alors on va revenir justement, grâce à une lecture, sur le parcours et l'histoire de l'enrichissement de Nucingen, une lecture par René Clermont qui date de 1961. La prospérité de la maison Nucingen est un des phénomènes les plus extraordinaires de notre époque. En 1804, Nucingen était peu connu. Les banquiers d'alors auraient tremblé de savoir sur la place 100 000 écus de ses acceptations. Ce grand financier sent alors son infériorité. comment se faire connaître. Il suspend ses paiements. Bon, son nom, restreint à Strasbourg et au quartier Poissonnière, retentit sur toutes les places. Il désintéresse son monde avec des valeurs mortes et reprend ses paiements. Aussitôt, son papier se fait dans toute la France. Par une circonstance inouïe, les valeurs revivent, reprennent faveur, donnent des bénéfices. Le Nucingen est très recherché. L'année 1815 arrive. Mon gars réunit ses capitaux, achète des fonds avant la bataille de Waterloo, suspend ses paiements au moment de la crise, liquide avec des actions dans les mines de Vortchin, qu'il s'était procurées à 20% au-dessous de la valeur à laquelle il les émettait lui-même. Oui, messieurs, il prend à Grandet 150 000 bouteilles de vin de champagne et autant à Duberg en vin de Bordeaux. Ces 300 000 bouteilles acceptées à 30 sous, il les fait boire aux alliés à 6 francs au Palais Royal de 1817 à 1819. Le papier de la maison Nucingen et son nom deviennent européens. Et voilà donc Alexandre Perrault, comment Nucingen gagne de l'argent en faisant croire qu'il n'en a pas, qu'il n'en a plus, qu'il est au bord de la faillite. Donc on est dans la parole performative, il n'y a rien en effet qui soit réel dans la fortune de Nucingen, si ce n'est qu'elle va grossir, et ça c'est bien réel. Nucingen, c'est le Napoléon de la finance, c'est le titre que lui accorde Balzac, et on voit comment ce petit banquier peu connu, alors il est souvent comparé à Rothschild, ou considéré comme un avatar. On dit qu'il a été en effet inspiré par Rothschild. Ouais. Alors c'est vrai et pas tellement satisfaisant. C'est vrai au sens où il incarne cette grande puissance financière, grande d'origine allemande. Bon, ok. En même juif temps, aussi. Juif aussi. Mais Balzac ne s'arrête pas du tout là-dessus. C'est la grande différence avec les récits de la fin du XIXe siècle où le caractère juif et l'antisémitisme latent sont beaucoup plus importants pour les récits, pour les romans. Il n'y a pas d'antisémitisme chez Balzac ? Quasiment pas. Quasiment. Enfin, voilà, ça n'existe pas. C'est pas un trait d'époque. Donc, un point commun par la puissance financière et en même temps, Rothschild, au début du 19e siècle, à la différence de Nucingen, a une fortune beaucoup, beaucoup plus importante. La fortune de Nucingen est évaluée dans le roman à 16 à 18 millions. Évidemment, Rothschild, c'est beaucoup plus. Rothschild a des comptoirs, des banques dans tous les pays d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Nucingen. En fait, Balzac procède souvent par réunion de traits de plusieurs personnages. Et c'est vrai qu'on a souvent dit que Nucingen y avait un peu de Rothschild par la puissance financière, un peu de Fould, qui lui aussi a commencé et a assis sa carrière de banquier, sa réputation de banquier par deux liquidations, deux faillites, un petit peu de Lafitte, parce que Lafitte était député, comme Nucingen. Donc voilà, on a plutôt un patchwork, un personnage patchwork qui réunit plusieurs traits. C'est encore une fois une manière très habituelle de travailler de Balzac. Donc dans sa capacité à gagner de l'argent, il aura eu cette idée de génie de liquider. Liquider, ça veut dire faire faillite. Mmh. Et en remboursant ses clients avec des valeurs mortes, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont pas de valeur. Alors là aussi, des valeurs qui n'ont pas de valeur financière, des titres qui n'ont pas de valeur. Là où la chose est assez drôle, c'est que quand bien même il aurait voulu tromper ses clients, Nucingen ayant une sorte de génie, ne peut pas c'est dit explicitement dans le roman, ne peut pas faire de mauvaises affaires, créer de mauvaises affaires, et finalement, les valeurs mortes s'avéreront de bonnes affaires. Oui. Très différente est la troisième liquidation, puisque cette troisième liquidation, en fait, n'en est pas une. Il va simplement laisser courir le bruit et laisser se répandre par la voix des autres la rumeur de sa faillite, laissant les titres chuter et opérant cette manipulation habituelle qui consiste à récupérer ses propres titres à bon compte en attendant que la réalité économique les remonte à leur valeur normale. Donc, c'est vraiment la rumeur qui fait ou défait les fortunes financières, et ça, Nucingen l'a bien compris. Balzac l'avait compris également. Ça explique peut-être la forme très étrange et très originale du roman La Maison de Nucingen, puisque c'est une conversation qui est retranscrite, une conversation entendue dans un restaurant, et plus exactement dans une pièce contiguë à l'endroit où se trouve le narrateur. Qu'est-ce que ça signifie, cette mise en récit très étrange? Et est-ce que ça a à voir justement avec cette idée de la rumeur quand on colle son oreille à la cloison pour entendre ce que disent les voisins? C'est un récit très atypique, La Maison de Nucingen, dans la comédie humaine. D'abord, c'est un récit relativement court. C'est un récit que Balzac a asséché. D'habitude, Balzac procédait par extensions successives. Il a pris des parties aussi pour les mettre dans d'autres romans, notamment dans César Birotteau. Ouais, dans César Birotteau, qu'il présente comme un roman jumeau. Donc, il a volontairement asséché ce récit en donnant en quelque sorte la conduite à Bixiou, qui est un personnage haut en couleur, truculent, et qui va raconter l'histoire de l'enrichissement de Nucingen, sachant que le contrat au départ consistait à raconter la fortune de l'origine de la fortune de Rastignac. Oui. Donc récit extrêmement échevelé sur la circulation de la parole et une parole qui circule à la vitesse de l'argent. Mmh. Qui circule avec ce même caractère insaisissable que l'argent présente dans les manipulations de Nucingen. Et c'est vrai qu'à de multiples reprises, dans l'œuvre de Balzac, mais singulièrement dans La Maison de Nucingen, un parallèle est fait entre l'argent et les mots du romancier. La circulation de la parole. Alors, vous parlez de Rastignac, je vous propose justement d'entendre un passage où il en est question. Notre ami n'est pas un gars, comme dit Finot, mais un gentleman qui sait le jeu, qui connaît les cartes et que la galerie respecte. Rastignac a tout l'esprit qu'il faut avoir dans un moment donné, comme un militaire qui ne place son courage qu'à 90 jours, 3 signatures et des garanties. Il paraîtra cassant, brise-raison, sans suite dans les idées, sans constance dans ses projets, sans opinion fixe, mais s'il se présente une affaire sérieuse, il ne s'éparpillera pas, comme Blondet que voilà et qui discute alors pour le compte du voisin. Rastignac se concentre, se ramasse, étudie le point où il faut charger, et il charge à fond de train. Avec la valeur de Murat, il enfonce les carrés, les actionnaires, les fondateurs et toute la boutique. Quand la charge a fait son trou, il rentre dans sa vie molle et insouciante. Il redevient l'homme du midi, le voluptueux, le diseur de rien, qui peut se lever à midi parce qu'il ne s'est pas couché au moment de la crise. Compagnie des auteurs. Alexandre Perrault, que retenez-vous de ce portrait de Rastignac en voluptueux en même temps qu'en ambitieux? C'est toute l'ambivalence du personnage, qui est un des personnages, sinon le plus célèbre, un des plus célèbres de la comédie humaine, et qui est un mélange de caractère lascif méditerranéen. On est méditerranéen, on est du sud pour Balzac, dès qu'on est en dessous de la Loire, qu'on est né en dessous de la Loire. Donc vous qui êtes bordelais, vous pouvez témoigner. Absolument. Donc ce mélange de caractère lascif et d'extrême intelligence. Rastignac fait partie de ces individus qu'on évoquait au départ. Aristocrate de petite extraction, de petite noblesse, qui va monter à Paris et qui, devant la réalité de la petitesse, de la cruauté des hommes, et c'est le Père Goriot, fait serment sur le cercueil du Père Goriot, au Père Lachaise, de se venger et de venger le Père Goriot. Mmh. Et toute sa carrière sera en quelque sorte le déploiement de cette haine primitive accumulée à l'encontre des petitesses humaines. Et il se trouve que Nucingen est le gendre du Père Goriot et qu'il n'a pas aidé le Père Goriot comme il aurait dû le faire. Et là, on a une illustration dans cette... Quand on dit la maison Nucingen, on pense à la banque, évidemment, la maison à raison commerciale, mais c'est aussi la famille. Et la famille Nucingen est une drôle de famille, puisque Nucingen sait très bien que Rastignac est l'amant de sa femme, Delphine, et va utiliser, on y reviendra, très savamment l'amant de sa femme pour répandre justement la nouvelle de sa faillite. Il va en faire un instrument. Et quelques années plus tard, Delphine engage d'amour, pourrait-on dire, va donner sa propre fille comme femme à Rastignac. Donc on voit bien qu'on est dans un univers, et Rastignac était sans doute profondément et sincèrement amoureux de Delphine. Mmh. On est dans un univers où les valeurs, où la moralité, où les attachements sont devenus totalement relatifs. Et Rastignac sait qu'il n'y a pas d'homme vertueux, il n'y a que des apparences d'homme vertueux. Et de manière générale, et c'est une des leçons que Vautrin dans le Père Goriot lui avait donné aussi, il n'y a plus que des apparences, il n'y a plus de réalité, et tout cela étant lié chez Balzac à la chute du sentiment religieux, le recul de la foi et du principe d'ordre qui était inhérent à la royauté. Donc Rastignac est utilisé pour justement parler. Et là encore, on a ce lien très fort entre l'argent et la parole qui engendre telle ou telle croyance. L'argent est une fiction d'une certaine façon et Rastignac le montre bien. L'argent est une pure fiction. La troisième liquidation de Nucingen dont on avait commencé à parler, effectivement, est une pure manœuvre rhétorique. On l'a dit. Nucingen hésite, mais décide de ne mettre personne dans la confidence. Donc il va faire son coup seul, et il va prendre Rastignac à part et lui dire « Mon bon ami, je vous dis ça parce que j'ai une entière confiance en vous et parce que je vous aime beaucoup, mais j'ai quelques difficultés financières, je suis très inquiet. Mmh. » Se gardant bien de dire cela à quiconque autre. Et Rastignac, dans le but louable de sauver la fortune de Delphine, et peut-être aussi un peu de sauver sa peau, tout faire pour que la fortune de Delphine soit protégée et la fortune de certains de ses amis également protégée. Donc il va les voir en leur disant, écoute, Nucingen a des difficultés, il va vraisemblablement déposer son bilan, comme on dirait aujourd'hui, liquider, mets tes placements, mets ton argent sur d'autres placements. Et c'est ainsi que ces signaux que Rastignac va envoyer à son corps défendant vont être interprétés, enchaînant une espèce de spirale déflationniste où les valeurs Nucingen vont s'effondrer. Alors on va continuer de parler de tout ça avec vous, Alexandre Perrault. Mais d'abord, je ne sais si vous connaissez le MOC, ce qui est une chaîne YouTube sur la littérature classique animée par Redek et Pierrot. Nous avons la chance et le privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui Pierrot, alias Bruno de Labriole, pour notre chronique désormais traditionnelle au mi-temps de cette émission. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour Bruno de Labriole. Bonjour. J'ai dit que vous étiez le Pierrot du MOC sur YouTube, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce MOC ? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le MOC ? Eh bien, le MOOC, c'est un terme qui s'inspire des MOOC. À l'époque, c'était le nom qu'on donnait aux cours en ligne sur les universités. Alors, le MOOC, c'est une chaîne collective, donc sur YouTube, dédiée à la littérature classique et à la place qu'elle continue d'occuper de nos jours. Donc, ça fait 3 ans qu'on a commencé à publier des vidéos sur YouTube. En fait, on sortait de prépa littéraire et on avait l'espoir de donner aux gens de notre âge les clés pour découvrir ces œuvres qui peuvent tellement nous toucher si seulement on les comprend. Alors, au début, on passait surtout par l'humour parce qu'on croyait qu'il fallait être drôle pour être entendu. Et puis un jour, on s'est attaqué à l'étranger et on est tombé sur une œuvre qui est tellement sensorielle qu'il nous a paru nécessaire de faire entendre le texte directement plutôt que d'en parler. Et d'accompagner L'étranger de Camus. Hein. Tout à fait, L'étranger de Camus. Et d'accompagner ses lectures avec de la musique. Quand cette vidéo est sortie, on a senti qu'on avait mis le doigt sur quelque chose. Et donc désormais, ce sont les deux axes complémentaires de notre travail. D'un côté, nous cherchons toujours à faire le lien entre la littérature classique et notre monde quotidien, qu'il soit politique ou culturel, et nous avons d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Et de l'autre côté, nous cherchons à faire résonner tous ces beaux textes, tous ces textes importants, dans les oreilles de chacun. Alors on imagine que quand on aime comme vous la littérature classique, on doit lire Balzac et le relire. Quel est votre rapport à vous, à cet écrivain ? Eh bien, Balzac, c'est un auteur que j'ai commencé à lire quand j'étais très jeune et qui m'a toujours fasciné par l'immense ambiguïté de son œuvre. D'un côté, on le sait, il déclare dans son avant-propos à la Comédie humaine vouloir écrire à la lumière de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie. Alors forcément, ça pose le jeu. On comprend bien donc qu'il a été récupéré, si je puis dire, par les auteurs de l'Action française qui appréciaient beaucoup chez lui le rôle du clergé comme rempart moral contre l'individualisme. Le fait est que chez Balzac, les méchants partagent presque tous la même flétrissure. Ils ont fait leur fortune au cours de la Révolution française en rachetant les biens du clergé. Autrement dit, pour certains, Balzac, c'est Maurras. Combien d'écrits sur la question de savoir si Balzac était croyant ou non ? Ça, c'est ce que je dois à mes parents. Pour d'autres, Balzac, c'est Marx, l'analyste fin des rapports de classe où l'argent règne en maître et décide de tout. Nucingen, comme on le dit, l'homme le plus riche de Paris, c'est quand même 3 liquidations successives. Mmh. À un moment, voilà. Comme je suis historien de formation, c'est une dimension dans laquelle je ne suis pas le seul à penser que Balzac est irremplaçable. Autrement dit, la recherche n'a pas encore tout dit sur l'œuvre de Balzac. Alors vous avez lu pour nous, et on vous en remercie, La Maison Nucingen. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, quand j'ai refermé La Maison Nucingen, j'ai été ébloui par cette construction narrative qui, il me semble, et Alexandre Parot nous l'a confirmé, est extrêmement originale chez Balzac. C'est un livre où la première richesse, ce n'est pas l'argent, mais c'est celle du langage, par la profusion du vocabulaire, des mots d'esprit, l'immense générosité du récit enflammé de Bixiou qui raconte tout, mime tout, imite tout. La scène de l'enterrement est tout de même inoubliable. Bixiou est tous les personnages à la fois. Il est l'enfant de cœur et le badaud, et même le cercueil qu'on traîne. De plus, c'est aussi un récit sur la spéculation financière qui se construit lui-même comme une vente pyramidale. Vous savez, ces montages financiers où les investissements des clients sont rémunérés par les cotisations des nouveaux entrants. Pyramide de Ponzi. Tout à fait. Eh bien, ici, c'est exactement la même chose. Chaque personnage en recrute un autre. On passe de Nucingen à Rastignac, au jeune Godefroy de Beaudenord, au baron d'Aldriguer et à 20 autres encore dans un récit à la chaîne qui ne doit jamais s'arrêter et dont la fin sera nécessairement catastrophique. C'est une grande pyramide de Ponzi, la comédie humaine, Alexandre Perrault, ou peut-être même une immense réunion Tupperware, parce qu'on se recrute aussi dans les réunions Tupperware. On se recrute, sauf qu'il n'y a pas de recette et de gâteau à partager à la fin. Ah. Mais c'est vrai que ce que vous dites sur la pyramide de Ponzi est extrêmement intéressant, parce que la manière dont Nucingen désintéresse lors de la troisième liquidation ses clients avec des actions est très clairement une pyramide de Ponzi. Et on retrouve le même système dans Le Faiseur, qui est là une des pièces de théâtre de Balzac qui est sur ce thème de la finance. Donc on a un récit qui représente une pyramide de Ponzi et qui fonctionne lui-même, comme vous le dites parfaitement, sur le système de la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que la forme romanesque vient en quelque sorte reprendre des mécanismes financiers pour se structurer elle-même. On reviendra sur ce système qui a beaucoup inspiré, qui continue d'ailleurs d'inspirer le système de Ponzi. Beaucoup d'écrivains, merci beaucoup Bruno de la Briolle. Je rappelle qu'en plus d'animer le MOOC, vous êtes également le co-auteur du livre classique chez Albin Michel, où vous nous parlez autrement de la littérature classique. Et ça ne peut bien sûr que nous réjouir ici à la Compagnie des auteurs. Vous reviendrez nous voir ? Bah, j'espère. Alors à bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture, 10 ans après la chute de la banque Lehman Brothers qui a plongé le monde dans la crise. Nous parlons de l'argent et de la bourse telle que les voyait Balzac notamment et d'autres écrivains. Balzac en particulier dans son roman La Maison Nucingen, dont voici un nouvel extrait portant sur le thème du crédit, toujours lu en 1961 par René Clermont. Il est impossible à qui que ce soit au monde de démontrer comment cet homme a, par 3 fois et sans effraction, voulu voler le public. Personne n'a de reproche à lui faire. Si les effets haussent et baissent, si les valeurs augmentent et se détériorent, ce flux et reflux est produit par un mouvement naturel, atmosphérique, en rapport avec l'influence de la Lune. Et le grand Arago est coupable de ne donner aucune théorie scientifique sur cet important phénomène. Il résulte seulement de ceci une vérité pécuniaire que je n'ai vue écrite nulle part. Laquelle ? Le débiteur est plus fort que le créancier. Et oui, Alexandre Perrault, le débiteur est plus fort que le créancier. C'est un petit peu contre-intuitif, mais pas pour Balzac qui connaissait très bien ces milieux de la finance. Oui, c'est un petit peu contre-intuitif et ça fait partie de cette rhétorique provocante que les débiteurs balzaciens, parce qu'il y a vraiment une caste des débiteurs balzaciens, débiteurs viveurs, qui se livrent à des fêtes de mots où ils dépensent autant d'argent qu'ils dépensent de mots. Alors, cette force du débiteur, elle repose d'abord sur des exemples que la comédie humaine va rassembler, Rastignac, bien entendu, avec son système anglais, les emprunts de demain soldent les débits d'hier, avec la dette aristocratique d'un Maxime qui incarne cette espèce de morgue, ancien régime, qui vit à crédit. Et de manière générale, provocation, elle s'adresse à la bourgeoisie. Il était évoqué le caractère réactionnaire de Balzac et en même temps le fait que Marx les réclamait parmi les écrivains de gauche, Marx et Hugo, en tout cas parmi les témoignages de gauche. Il y a un caractère indécidable de Balzac qui était évidemment réactionnaire, et c'est parce qu'il était réactionnaire qu'il a pu faire une critique aussi virulente de la bourgeoisie. Parce qu'il est réactionnaire, mais il n'est pas libéral, c'est ça ? Il n'est pas libéral. Réactionnaire et anti-libéral, ce qui est un courant très répandu au début du XIXe siècle avec Joseph de Maistre, etc. En tout cas, cette position politique va lui permettre d'exercer un regard extrêmement critique sur la société libérale de son temps, et surtout va nourrir dans ses récits toute une série de discours anti-bourgeois qu'il assume dans son discours d'auteur, dans son discours narratorial, et qu'il prête à ses personnages. Et effectivement, faire dire à l'un des personnages « le débiteur est plus fort que le créancier », c'est un pied de nez à la morale bourgeoise du tu dois remboursé. C'est une manière de réclamer une sorte de superbe qui reviendrait à une sorte de droit à faire des dettes, mais qui est aussi une manière de, pour la jeunesse, de réclamer une capacité à vivre en dehors des normes bourgeoises. Donc il y a un côté presque anarchiste alors. Un côté anarchiste, alors anarchiste, en tout cas une dénonciation de la société. Une fois, on pourrait dire punk aussi. Ouais. Maxime, d'une certaine manière, avec son habitus aristocratique, a un côté punk dans la capacité à non seulement dénoncer la société, mais à adopter des comportements qui dénoncent très exactement, qui tapent là où ça fait mal, si vous me permettez l'expression, et qui vont droit à la faiblesse de ce qui est l'idéologie et l'éthos bourgeois. Donc ça c'est pour la bourgeoisie, mais le banquier c'est peut-être un petit peu différent. Est-ce qu'on peut dire qu'il condamne réellement le banquier ? Est-ce que Nucingen est un personnage entièrement négatif ? Vous parliez des ambivalences de Balzac, on en a parlé à propos de Rastignac. Il est évident que le rapport de Balzac à Nucingen est extrêmement trouble. Balzac, qui se qualifie lui-même de Napoléon des lettres, ne peut pas caractériser Nucingen de Napoléon de la finance sans avoir quelques pensées duales à l'égard du personnage. Nucingen, d'un côté, incarne tout ce que Balzac réprouve, la loi de l'argent, l'absence de morale, et de l'autre côté, il incarne cette intelligence, cette puissance, cette force de volonté, cette capacité à manipuler les autres, qui en font à la fois, effectivement, le chef militaire napoléonien, et à la fois cette espèce de d'homme politique. Et dans la maison de Nucingen, on a plusieurs passages, mais dans une des lectures que vous nous avez offertes, cette métaphore militaire était employée. Notre ami Nucingen va masser ses crédits, va masser son argent comme on masse des troupes. Il y a un côté stratégie militaire dans la manière dont Nucingen déploie ses plans qui fascine Balzac. Et là, on est très loin du petit bourgeois. Le petit bourgeois, c'est finalement celui qui est victime des machinations fantastiques de Nucingen. Et c'est pour ça que Nucingen est un héros romantique à sa manière. Pas un héros romantique dans la version éthérée, mais un héros romantique par la force, la puissance d'entraînement, la puissance de conviction. Un héros romantique au sens où Balzac peut être caractérisé lui-même de personnage romantique. Et c'est vrai que dans la construction en diptyque que Balzac souligne lui-même entre la maison Nucingen et César Birotteau, on a effectivement l'opposition de deux portraits. D'un côté, un petit bourgeois, Birotteau, marchand, qui va faire faillite, parce que lui aussi, quand même, il a voulu tripatouiller dans des affaires de terrain et de, mais qui est habillé d'une espèce de probité qui va le faire mourir, parce qu'il va faire faillite, mais il va vouloir rembourser tout le monde, ce qui va, fait absolument remarquable, réussir à faire, mais il en meurt. Et de l'autre côté, Nucingen, qui marche, qui écrase et qui ne se préoccupe pas du tout de rembourser, qui ne se préoccupe pas de morale. Mais justement, est-ce qu'il y a un jugement moral dans la comédie humaine et qui se trouve dans l'opposition de ces deux personnages, mais dans l'opposition aussi d'autres personnages, puisque dans un certain nombre de romans, et notamment dans César Birotteau, il y a Ferdinand du Tillet, qui est en opposition avec Anselme Popinot. Ce sont un petit peu les deux anges qui vivent autour de César Birotteau, qui sont les employés de César Birotteau, l'un plutôt du côté du bien pour schématiser et l'autre plutôt du côté du mal. Donc est-ce qu'il y a toujours cette volonté chez Balzac de tempérer la vision qu'on a de l'argent, de l'enrichissement, du profit, parce qu'au fond l'argent c'est ce qu'on en fait, semble nous dire Balzac. D'une part, c'est ce qu'on en fait. Balzac, dans un autre récit, note avec une curiosité à moitié amusée que les effets du prêt gratuit ou dans un même quartier ou du prêt à taux usuraire sont exactement les mêmes. Il le note comme ça, de manière complètement neutre, ce qui est déjà une forme de position politique. Ensuite, il est de toute façon très difficile de faire parler les auteurs au-delà de leur texte. Ce qui est absolument évident, c'est qu'il y a un Balzac auteur qui prend position et dont le discours est, on l'a dit, très carrément anti-libéral, anti-bourgeois, anti-capitaliste. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un discours du récit qui prouve strictement l'inverse. C'est-à-dire que dans le roman balzacien, qui gagne, c'est la machine libérale. C'est la force d'entraînement du système libéral. C'est-à-dire que le récit échappe à Balzac, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit, il est simplement là pour décrire ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Ouais. Ou si le récit démontre quelque chose, car il a une force argumentative, il démontre des idées ou des réalités auxquelles Balzac n'adhère pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autonomisation du récit, effectivement, de la logique narrative, qui va accoucher d'une vérité qui va à l'encontre du discours auctorial. C'est là où le récit, la fiction, est plus forte que les sciences humaines. Enfin, je ne fais pas de jugement de valeur ici, mais dans le cas de Balzac, il y a quelque chose qui dépasse tout ce qui peut relever de l'analyse, quelque chose comme un fluide souterrain qui passe dans la comédie humaine et qui nous en apprend beaucoup. Ça, c'est une chose, enfin, qui me touche beaucoup, hein, sur la capacité de la littérature à nous parler du monde, à raconter le monde, à nous le faire comprendre. Et que dit d'ailleurs Bourdieu à la fin des Règles de l'art ? C'est assez émouvant, là aussi, qui est un des derniers ouvrages de Bourdieu. Et où il y a cet aveu de Bourdieu en disant, finalement, la littérature, lui parle de Flaubert, a cette capacité supérieure d'évocation et d'explicitation du monde par rapport au discours analytique de la sociologie. Et il l'a parce que le récit nous embarque. Et on est intégré dans le récit, embarqué en quelque sorte, et en quelque sorte amené à ressentir les choses de l'intérieur comme les personnages. Et c'est là que le récit d'argent balzacien a une formidable valeur. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il nous apprend sur les réalités financières, il nous parle du rapport du sujet à l'argent. Père admirable, Marie adorable, Monsieur Tout-le-Monde quitte chaque matin son domicile sous l'œil bienveillant de ses voisins. Quartier chic et tranquille pour familles épanouies, une vie douce et sans soucis. Mais qui se douterait? Qui se douterait? Il n'a pourtant ni fusil ni couteau. Pourtant, on ne lui reprochera rien. Monsieur ne fait que voguer de présage en présage. Monsieur ne fait que prélever les petits dividendes du temps. Malheureuse ne le concerne pas. D'indice en devise, le trader funambule erre sur le fil des besoins. Un à un, en avare assoiffé, il pille, enflamme, détricote les marchés, sans se soucier le moins du monde, des pays affamés. Mais qui se douterait qui tue? La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de La Maison Nucingen avec vous, Alexandre Perrault. La Maison Nucingen, roman de Balzac, un roman qui n'est pas facile à lire, qui est même assez difficile à lire, pour les raisons qu'on a un peu dites, c'est-à-dire qu'on est dans une pièce, on écoute des gens parler d'une personne qui n'est pas là. Donc il y a des choses, un enchevêtrement très médiaté finalement de discours. C'est un roman qui a eu quelle réception ? C'est un roman qui a été perçu, Balzac publié en recueil, en volume. Donc le roman n'a pas été publié seul. Et il n'a pas forcément été très bien compris au moment de la publication. Chacun y a vu un décalque avec le jeu des personnalités de Rothschild. Le roman à clé qui a le plus intéressé un petit à l'époque. Peu, et puis une critique de la finance. Mais roman difficile à coup sûr, et que Balzac a voulu rendre encore plus difficile par le caractère décousu des échanges de paroles entre les quatre protagonistes, parce qu'il y a le couple qui écoute l'oreille collée à la cloison, mais on a quatre protagonistes qui s'échangent, qui ont un sens de la répartie, et Bixiou a quand même un peu de mal à faire advenir son récit, il est sans arrêt coupé, et lui-même n'hésite pas à prendre des chemins de traverse. Bref, on a une première difficulté qui est liée à la matière financière. Il y a des termes qui sont employés qui, aujourd'hui, a fortiori, ne nous sont pas familiers, et par la forme totalement débridée, très frénétique du récit. Et on peut poser l'hypothèse que c'est volontaire. Au sens où, dans cette expérience que nous communique la littérature qu'on évoquait il y a quelques instants, être plongé dans un récit comme celui-ci, être soumis à une sorte de tournis, en clair, n'y rien comprendre, participe de l'effet réaliste. C'est-à-dire que la réalité de la finance, c'est cela. Mais en même temps, tout ce qu'il dit est encore une fois extrêmement documenté. Absolument. Et extrêmement précis. Absolument. Mais on parlait de Reinhardt tout à l'heure, mais l'épisode central de Cendrillon est du même acabit, au sens où on est plongé dans une complexité technique, dans un jeu, dans une espèce d'énergie frénétique qui reproduit en quelque sorte l'effet de submersion que le sujet peut ressentir à l'égard de l'argent. Effet de submersion qu'on va avoir quand on lit la presse, les grands chiffres qui s'accumulent, et finalement, on ne finit par ne plus rien y comprendre, sinon être écrasé par cette réalité financière. À l'égard de l'argent et aussi à l'égard de la modernité, ça va être sans doute un leitmotiv de cette semaine, mais cette modernité qu'on ne comprend plus parce qu'elle est devenue trop technique, Balzac la montre stylistiquement. Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Oui, oui, et ça fait effectivement partie aussi de sa posture critique, réactionnaire, critique, de dénonciation de ce progrès, de cette modernité à laquelle il n'adhère pas. Mmh. Alors vous avez écrit un essai qui s'appelle « Le crédit dans la poétique balzacienne », édité chez Classique Garnier en 2012. On peut peut-être revenir un petit peu justement sur cette idée de poétique de Balzac pour la confronter à notre thématique de l'argent. Peut-être avec une première question qui prolonge ce qu'on vient de dire là. Est-ce qu'il y a une invention stylistique, une invention formelle très grande dans ce roman La Maison Nucingen, qui paraît en effet écrite de façon très originale et pousser le lecteur dans ses retranchements? Oui et non. Non parce que on y retrouve des traits du récit frénétique, ce qu'on appelle le récit frénétique des années 1820-1830, avec cette espèce de parole un peu dandy, précieuse, échevelée, dont on a parlé tout à l'heure. Oui parce que la question financière devient le matériau premier de la littérature. Et ça, c'est très nouveau. Alors ça apparaît à la fin du 18e, dernier tiers du 18e avec le drame bourgeois, mais le fait de parler d'argent, de faire de l'argent un héros, le fait de mettre en avant une figure de banquier, tout ça est extrêmement nouveau. Et c'est choquant, à l'époque? Je pense pas que ce soit choquant. Très rapidement, ça ne le devient plus. Il y a un effet, parce que ce sont les réalités qui se déploient autour des contemporains de Balzac. En revanche, effectivement, j'imagine que ces récits où la technique financière prend une place énorme doivent avoir quelque chose d'un petit peu déstabilisant, en tout cas suffisamment déstabilisant pour que dans Illusion perdue, Balzac s'amuse autour d'un compte de retour qui est une pièce juridique dans la mécanique financière. On passe les détails, en expliquant que ce compte de retour vaut tous les comptes exotiques, qu'on aura aussi autant d'émotions à lire les aventures du compte de retour qu'en lisant un récit de voyage, etc. Donc il joue de cet exotisme financier, mm-hmm. mais qui est un exotisme qui n'a rien de folklorique, qui est extrêmement violent pour les gens qui en souffrent dans leur chair et dans leur quotidien. Ça, il a réussi à le montrer, tout de même, oui. la violence de l'argent. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de poésie également dans sa manière de traiter le monde financier? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, tout dépend ce qu'on met derrière le terme poésie. Moi, j'ai préféré parler de poétique de l'argent pour montrer comment l'argent construisait le récit. On aura peut-être 30 secondes pour en parler. On peut en parler, mais, hein. Mais une poésie au sens où l'argent devient un moteur et un personnage, un actant du récit. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire dans le roman de Balzac. La plupart de ses œuvres, de ses récits, s'ouvrent avec un acte d'endettement, mmh. et ne pourront se refermer que cet endettement clos, remboursé. Et évidemment, avec toutes les complexités qui peuvent survenir de cette dette qui est passée de main en main, une dette financière qui est surdéterminée par des dettes morales et subjectives. Et finalement, on pourrait dire que Balzac est encore plus le romancier du crédit que le romancier de l'argent. Et le crédit, c'est de l'argent temporalisé, c'est l'argent qu'on doit, avec cette espèce de pression de la nécessité de devoir rembourser et d'une certaine manière de ne plus appartenir. Oui. Il faut dire que c'est contemporain aussi avec l'inauguration des caisses d'épargne. Le roman de Balzac, La Maison Nucingen, ouais. Et ça, dans la généralisation du crédit, ça joue aussi sûrement son rôle, Alexandre Perrault. Balzac les étrille, y compris dans La Maison du Nucingen, en disant que c'est une incitation pour le petit peuple à voler ses maîtres pour aller placer de l'argent à la caisse d'épargne. C'est-à-dire qu'on, la loterie est interdite, dit-il dans La Maison du Nucingen, mais on a remplacé la loterie par la caisse d'épargne, c'est-à-dire que les domestiques chapardent pour pouvoir faire des économies. C'est là où on retrouve le réactionnaire. Voilà, entre autres. Mais de manière plus globale, les caisses d'épargne restent relativement minoritaires à cette époque-là. Ce qui est vraiment déterminant, c'est le fait que le crédit est absolument quotidien et devient une souffrance quotidienne pour la plupart des gens, quelles que soient les classes. Est-ce que le crédit chez Balzac, c'est forcément lié à l'argent ? Est-ce que le crédit peut être étendu à d'autres domaines de la vie ? Bien entendu. C'est toute la structure finalement idéologique, morale et psychologique des personnages qui est régie par le schéma de la dette, du « tu dois ». Avec tous les effets de culpabilité qui s'en suivent et les relations sont en quelque sorte infectées par cette pesanteur du remboursement, encore une fois morale ou financier, sachant que ce qui est une des évolutions très cruelles du monde de Balzac, plus rien n'échappe à la médiation financière. Tout devient objet de tractation. Y compris l'amour, par exemple. Y compris l'amour. Et ce qui est sous-jacent, alors qu'on oublie un peu parfois en lisant La Maison de Nucingen, parce qu'on est capté par le récit d'argent premier, le récit bancaire, ce récit se fait sur fond de tractation matrimoniale qui se déroule sur un marché. Le mariage au XIXe siècle est un marché où on va chercher à conquérir le meilleur parti. Les mariages d'argent n'existent n'existent quasiment pas tant qu'ils sont régis par la nécessité de l'argent et de faire perdurer les fortunes. On pourrait terminer sur un terme anglais, c'est le terme improper, qui revient en permanence dans La Maison Nucingen. Improper, c'est les choses qui ne se font pas, tout du moins en Angleterre. Il y a beaucoup de choses, nous explique Balzac, qui ne se font pas. Pourquoi est-ce que ça vient à ce moment-là dans ce roman sur l'argent, sur la bourse, sur toute autre chose ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de référence à la littérature économique anglo-saxonne, Smith et autres. Pas du tout. Non, ça fait partie du style frénétique. On se moque des Anglais. On a la même chose dans La peau de chagrin. C'est une espèce de pause dans le récit et dans l'espèce de verve de ces personnages. Merci Alexandre Perrault. Je rappelle l'ouvrage que vous avez donc dirigé. Il s'appelle La comédie inhumaine de l'argent. Il a été publié en 2013 aux éditions du Bordelot. Rappelons également Le crédit dans la poétique balzacienne, édité celui-là chez Classique Garnier en 2012. Demain, on continue d'explorer la manière dont les écrivains se sont emparés des questions financières, de la bourse et des crises boursières. Ce sera autour du livre de Zola, L'argent. Je recevrai l'universitaire Christophe Refet qui a édité ce livre, L'argent, en y adjoignant un dossier chez Garnier Flammarion. C'était en 2009.